voudrais tant que toi, mon ange, tu m'ensorcelles parfois. Comme autrefois, rappelle-toi quand tu voulais que je change. Quand tu voulais que je change. Laisse pas.